Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time à tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi, bienvenue à cette nouvelle édition de Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique. Mon nom est Vincent Langlois, en compagnie de l'équipe de Puissance Maximale, et j'ai nommé Andrew Castegan. Salut Andrew. Salut Vincent. Également, nous avons Guillaume Forand qui est avec nous aujourd'hui. Salut Vincent. Et Anne. Salut Anne. Salut tout le monde. François Gécouillard à la console. Salut Vincent Langlois. Et bien, une émission, comme à l'habitude, très chargée. On a des gens qui sont allés à l'événement de l'Est, vraiment, en fin de semaine. On est jaloux. On est très jaloux, et peut-être pas du 5 heures de route, mais quand même de ce qu'ils ont vu. Guillaume, aujourd'hui, vous allez nous parler, toi et Anne, de... On va parler de PAX East, donc la convention de gaming qui avait lieu en fin de semaine, dont on a ramené tout plein de cadeaux qu'on va pouvoir faire tirer aux auditeurs de Puissance Maximale. J'ai vu Vincent et François, peut-être même Andrew un peu, regarder quelques items et faire « Oh, c'est intéressant! » On a les yeux vraiment rivés seulement là-dessus. Ouais, vraiment des choses intéressantes dont ce sera en tirage au cours de l'émission, mais au cours des prochaines émissions oui, également. Il y en a juste trois à donner. Parce que du stock, oui, on en a. Andrew, de ton côté? Ben, je vais parler d'un jeu qui a été développé par un développeur indépendant du nom de Minecraft. Minecraft. Et François, on ira deux fois au téléphone aujourd'hui rencontrer, en fin de compte, des invités. On a une invitée régulière, donc Fräulein Evil, qui sera avec nous aujourd'hui. On va nous parler des nouvelles sorties en jeu de plateau, là, les highlights, qu'on dit en bon français. Et puis, on va avoir aussi M. Maxime Girard de l'Université Laval qui va nous parler d'un événement qui s'appelle le 3 clubs en 1. Excellent. Et on va débuter tout de suite l'émission, comme à l'habitude, avec de la musique. Ça va être une pièce que Michael Michaud a choisie. La pièce s'intitule « Mario Miner » et c'est une pièce de Power Glove. Vous êtes à puissance maximale. are listening to Puissance Maximale. Et en fin de semaine, à Boston, Massachusetts, c'était le deuxième événement du PAX East. On sait que le PAX existe sur la côte ouest depuis un petit bout de temps. On a transféré ça l'année passée pour que les gens, justement, de l'Est n'aient pas à se déplacer. Bien, en fin de compte, les événements sont ensemble. Il y a quand même l'Ouest qui existe. À l'Est, vous avez eu la chance d'y aller l'année passée. L'équipe de Puissance Maximale était là. Et tu es retourné, Guillaume, cette année. Oui, je suis retourné à Boston pour le PAX East. L'année passée, ils ont estimé environ à 52-55 000 personnes qui ont été. Fait que cette année, ils ont décidé de faire ça dans un centre de convention encore plus gros. Et ils estiment avoir eu à peu près 60 000 personnes jusqu'à date qui étaient à la convention. Donc, entre 5 et 8 000 de plus. C'était quand même serré. Un petit peu moins que l'année passée, mais il y avait plus de monde, plus de choses sur place. C'était assez incroyable. Moi-même, on est arrivé là le jeudi. Le vendredi matin, on était sur place. On est quitté, il était 5h et quelques pour aller manger. Le samedi, on était sur place de nouveau. On a fait le floor show, les panels, on a écouté le show de musique. Le dimanche, on est retourné là-bas à midi parce qu'on s'est couché quand même assez tard. Et on est reparti de là-bas à 4h30, puis ça m'aurait pris plus de temps. Il y a tout plein de kiosques que j'ai pas pu faire, tout plein de panels que j'ai pas pu faire. C'est assez incroyable. Ça prend du temps. Si on veut tout voir, on peut pas le faire. C'est juste impossible. Il y a juste trop de choses. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Aussi spécial que ça peut être, il y avait des grosses choses là-bas que j'ai pas nécessairement eu la chance d'aller voir. Il y avait Star Wars, The Old Republic, le MMO, qu'on pouvait essayer le jeu. On pouvait gagner des t-shirts aussi. Il y avait Duke Nukem qu'on pouvait essayer le jeu. On pouvait essayer le Nintendo 3DS. C'est trois affaires que j'ai pas eu la chance d'essayer parce que c'était des files d'attente de 2 heures et plus pour essayer. Donc, si j'avais fait ça, j'aurais eu encore moins de temps pour explorer le restant. Je pouvais juste pas me le permettre. C'est le genre de choses qu'il faudrait y aller en équipe et chacun a son affaire. Faut qu'il ait essayé absolument puis qu'il a pas le droit de sortir de la ligne tant qu'il l'a pas fait. On peut juste pas y arriver. Parce qu'il faut dire, il y a souvent des lignes d'attente et des. Les grosses affaires, ils ont des grosses lignes d'attente. Il y en a d'autres qui sont moins pires. C'est peut-être une demi-heure, 45 minutes. Ça, je trouve ça raisonnable autant que des files d'attente peuvent être. Quand on est rendu à 2 heures d'attente, je commence à trouver ça long à ce moment-là. Ouais. Là, on parle justement des essais de combien de temps, là, si on a la chance de... Cette chance d'attendre 2 heures, ouais. On essaie le jeu pour combien de temps? Comme par exemple Duke Nukem. Duke Nukem, c'était une vingtaine de minutes, mais Anne pourrait en parler un petit peu plus là-dessus tantôt parce qu'elle a eu la chance d'essayer Duke Nukem, donc elle va en parler spécifiquement. Duke Nukem, c'était 2 heures d'attente à peu près, même un petit peu plus que ça, pour jouer 20 minutes. Donc, 20 minutes, ça vaut quand même la peine. Ça vaut la peine, puis il y avait quelque chose comme une vingtaine de consoles qu'on pouvait jouer dessus, donc il y avait 20 personnes à peu près à la fois. Donc, c'est des files assez longues quand même. En espérant que la Xbox 360 ne brûle pas. C'est quand même pas trop pire. Microsoft est sur place avec un kiosque aussi, donc ça devient... Kiosque de réparation? Pas un kiosque de réparation, mais ils vendent aussi des Xbox, quelques kiosques qui vendaient des articles. On peut faire des achats, vraiment. Là. Oh, on peut faire des achats là-bas, c'est assez incroyable qu'est-ce qu'on peut acheter. Mais mon coup de cœur, oui. Vraiment, c'est la compagnie Nexon, N-E-X-O-N, que j'avais jamais entendu parler avant. Oui. Première des choses, on rentrait dans la convention, puis il y avait des gros sacs, peut-être quoi, 2 pieds par 3 pieds. On va estimer à peu près à ça. Ça a du bon sens? Oui. Oh! Donc, 2 pieds par 3 pieds, un gros sac avec un dessin de chaque côté. Fait que ça, c'est la première des choses. La compagnie faisait beaucoup de publicité. Puis c'est des sacs qu'ils donnaient gratuitement. Si tu en avais déjà un, t'en voulais un deuxième, ils te le donnaient quand même. C'était pas grave. Tu en avais deux sur toi. Des fois, t'en offrais un troisième. Parce que pour eux autres, c'était de la publicité. Fait que tout le monde allait voir leur kiosque, allait essayer leur jeu. Et il y avait 2 jeux sur place, avec 2 kiosques différents. Le premier jeu qui était Vindictus, c'est un genre de hack and slash à la Diablo. Sauf qu'au lieu de voir au-dessus, c'est plus, on dirait, un petit peu plus en angle. On voit dans l'arrière du personnage, on voit le personnage. C'est un hack and slash qu'on joue, qu'on s'en va tuer des monstres, avec une petite ambiance un petit peu plus à la romaine à ce moment-là, pour le look, pour les monstres un peu. Et on se promène, on tue des monstres, on gagne des XP, on gagne du loot, et c'est ça le principe du jeu. C'est quand même assez facile, c'est gratuit à jouer en plus, donc ça coûte rien à essayer le jeu. Et si jamais on veut avoir des affaires un petit peu plus dans le jeu, ça utilise un système de microtransactions, donc l'armure qu'on veut avoir, au lieu de passer peut-être 3 heures à essayer de tout le temps faire le même donjon, on peut peut-être payer $1 ou $2 pour aller chercher. Donc, c'est comme ça qu'ils font leur argent. J'ai essayé le jeu le premier coup. J'étais pas trop sûr du jeu, fait que j'ai refait la file une deuxième fois le lendemain. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de la compagnie qui était à côté de moi, puis que j'ai posé des questions sur les contrôles. Et une fois qu'on commence à comprendre les combinaisons, les combos, comment bloquer, qu'est-ce que je savais pas comment faire sur le coup, comment dodger aussi, éviter les attaques, mais là, ça commence à être un jeu intéressant. Mais c'était quand même un bon jeu intéressant. Je suis en train de le télécharger justement en ce moment, même de l'installer chez nous. Je vais le jouer un petit peu plus. Je vais pouvoir vous en donner un petit peu plus dessus à ce moment-là, parce que là, on a juste assez un donjon au hasard qu'on jouait avec deux autres personnes. Donc, pas trop de détails quand même là, sur le restant du jeu. L'autre jeu, par contre, que cette compagnie-là fait, c'est Dragon Nest, qui est un jeu qui va sortir soit ce printemps, soit cet été. Ils sont pas sûrs encore la date exacte, mais on va dire que pour cet été, ça va être sorti. C'est dans le même principe un peu, c'est des personnages, par contre, dans ce cas-ci, un petit peu plus cartoon, un petit peu plus à la manga. Il y a un cléric qui se promène avec une masse et un bouclier, il y a un guerrier qui a une épée à deux mains, t'as un genre de wizard avec un staff. C'est encore là, c'est un hack and slash à la Diablo. Encore là, un petit peu plus à la third person, d'une certaine façon, mais on est encore reculé du personnage. Et c'est le même principe que Vindictus. Par contre, c'est pas un jeu très très compliqué, c'est pas un MMO avec qu'on a genre trop de quests à faire. Le but, c'est de rentrer dans des donjons, c'est un hack and slash à jouer avec ses amis, ses chums. On avance, on tue des monstres, on gagne des trésors, on monte de niveau, on débloque des habiletés spéciales. Mais le gameplay, il est le fun, il est rapide. C'est un jeu que je suggère aux gens encore là, quand il va sortir, on va dire cet été, qui va être free to play, encore là, gratuit à jouer. Donc, c'est des jeux intéressants à essayer, puis que je n'avais jamais entendu parler avant que de me rendre à la PAX, puis c'était partout vraiment, la publicité, comme j'ai dit tantôt, c'était incroyable. Quand on faisait la file pour Vindictus, ils nous donnaient un t-shirt gratuit. On était dans le fil, ils nous donnaient un t-shirt. Quand on allait faire Dragon Nest, ils nous donnaient un autre t-shirt. Puis ça, c'était à chaque fois qu'on le faisait. Et en plus, ben, quand on avait fait les deux, il y avait des tirages spéciaux pour des genres de chapeaux, on pourrait dire à tête, chapeau renard avec des petites oreilles, avec des longues des oreilles sur le dessus, puis on dirait comme des oreilles qui pendent sur le côté un peu comme certains... certaines tuques, oui. Qu'il y avait des beaux tirages là-dessus. Il y a des gens qui étaient prêts à les acheter, ces affaires-là, parce qu'ils en tiraient seulement 50 par jour. Ça a l'air gros quand même, 50, mais la quantité de personnes qui ont vu passer bon, à leur kiosque, c'est pas beaucoup à ce moment-là. Mais ça, je dirais, c'était vraiment mes coups de cœur à moi. Oui, c'est ça, une découverte, en fin de compte. Une découverte que je savais même pas qu'il existait, puis que j'ai vraiment, grâce à la convention, je pense que juste le voyage pour ça, pour avoir découvert ce jeu-là, ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'il a fait en bout de ligne que j'ai vraiment plus apprécié mon expérience. Dis-moi, Guillaume, là, c'est Nexon, la compagnie. Nexon, et oui. Ça prend. On peut aller sur Internet, télécharger les jeux gratuitement. Ça prend pas un mot de passe ou quoi que ce soit qu'ils ont donné là-bas. Ça prend rien. Je pense qu'il faut juste s'enregistrer sur le site, par contre. Vindictus, il est déjà sorti, donc on peut le télécharger et jouer tout de suite. Dragon Nest, donc Nid de Dragon, lui, ça va être plus tard, fin printemps, été, qui va sortir, donc il n'est pas encore sorti, mais lui aussi, on peut le télécharger gratuit et même principe de microtransaction. Au lieu de passer plusieurs heures à essayer de trouver quelque chose, on peut payer quelques dollars pour pouvoir l'avoir. Excellent. Bien, ça met fin à la première partie de ce retour sur PAX East dans fin de semaine. On va retourner en musique immédiatement. On va écouter une pièce des trois accords. Le 22 mars prochain, ça va être le printemps des poètes à Québec. Donc, on va écouter une pièce qui s'intitule « Les nuits de la poésie ». j'ai pris tous ceux qui ont voulu dans mes bras. Tu as pris tous ceux qui ont voulu dans tes bras. Oui, j'ai pris tous ceux qui ont voulu dans mes bras, dans mes bras. C'est une nuit de la poésie, wow. Quand on dit que l'on applaudit, wow, c'est vraiment vrai, c'est parfait. C'est une nuit de la poésie, wow. J'ai émis, j'ai plané, j'ai ri, wow. J'ai fait tous les temps, j'ai fait plein de temps. C'est une nuit de la poésie, wow. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et le 20 mars prochain va avoir lieu à l'Université Laval un événement dans le domaine du gaming. L'événement s'intitule « Trois clubs pour une journée » et ça met en vedette des joueurs de Go, des amateurs de grandeur nature, de jeux de rôle, le Seigneur de la Guerre, le Club de Go de Québec, le Club Animé Québec. Et on a Maxime Girard en ce moment pour nous en parler. Salut Maxime. Bonjour à vous, François. Salut Maxime. Donc voilà, le 20 mars prochain au pavillon de Coninck à l'Atrium. Donc qu'est-ce qu'il va avoir exactement comme activité? Ça va commencer principalement avec le tournoi de Go organisé par le Club animé de l'Université Laval. Tout le monde est la bienvenue. Les inscriptions ont lieu de 10h du matin à 10h30. Tout le monde est invité, même les débutants. Et Dieu sait que c'est pas facile le Go pour les débutants, mais est-ce que c'est possible de se présenter simplement sur place pour jouer ou est-ce qu'il faut absolument s'inscrire d'avance? Non, on peut arriver à tout moment pour jouer au Go. Il y aura une personne placé évidemment pour la chose et vous pourrez apprendre à jouer à Go sur place. OK. Et ensuite? Par la suite, vers midi, le restant du local sera ouvert pour les jeux de société ainsi que les jeux de rôle, des jeux qui vont durer en moyenne de 2 à 3 heures chacun. Et les gens seront encouragés à découvrir les Seigneurs de Naga et le Club Animé Québec qui animeront ces jeux de société-là. OK. Et encore une fois, c'est ouvert à tous, là? Oui, tout à fait. C'est une activité organisée par des étudiants de l'Université Laval, mais c'est ouvert aux étudiants et au grand public. Est-ce qu'on a un peu une idée des jeux de plateau, par exemple, qui vont être sur place? Une activité qui est intéressante, c'est Petit Meurtre et Mystère, qui se fait quand même relativement rapidement, environ 2 à 3 heures. Il y aura aussi Loup-garou, qui est plus court, qui est très populaire auprès des gens. C'est-à-dire Loup-garou de Tiercelieu. Quoi? Loup-garou de Tiercelieu. Le jeu de plateau, Loup-garou de Tiercelieu, qui se trouve en fait à être une espèce de jeu de cartes. Oui, c'est un jeu de cartes, oui. C'est ça. Donc, ça va être possible de jouer à ça. Et des jeux de rôle aussi. Peux-tu en nommer quelques-uns? J'imagine qu'il va y avoir Donjon Dragon. Il y aura un jeu de rôle basé sur la Donjon Dragon 3e édition 3.5 qui va toucher une adaptation de Zelda et aussi possiblement de Macross Frontier. Zelda est un jeu bien reconnu, surtout des gamers, et Macross Frontier, d'une série animée japonaise basée sur les gros robots. Les gros robots, les mecs qu'on appelle. Sinon, quoi d'autre, Maxime? Pendant l'heure du midi et pendant l'heure du souper, il y aura une activité de financement du nom de Maid Café. C'est des maids, des dames qui vont être habillées comme des bonnes et qui vous servent de manière courtoise, ainsi que des butlers, des majordomes, qui vous serviront soit des desserts ou un repas complet lors de la journée pour vous rassasier et pourront même vous porter le tout à votre table avec une décoration personnalisée. OK, OK. Et quoi d'autre? Il y aura du bubble tea sur place, un breuvage à base de lait et de thé avec soit du tapioca ou des petits bonbons. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez chercher sur l'Internet ce qu'est un bubble tea. Super. Bubble Tea, ouais, pour les amateurs, les gens qui connaissent un peu le milieu du gaming, là, c'est très, très connu, très apprécié. Donc, un beau mélange comme ça de joueurs de jeux de table, de joueurs de jeux de rôle et compagnie. Tous joueurs confondus vont pouvoir se retrouver à l'activité 3 clubs pour une journée à l'Université Laval. Ça va être au pavillon de Coninck, l'Atrium, le 20 mars prochain. Donc, voilà, Maxime Girard, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir et je voudrais juste brièvement dire que aussi notre prochaine activité par la suite est Nadeshikon, notre deuxième édition de convention culturelle japonaise à l'Université Laval. Et on aura l'occasion de se revoir pour s'en parler. Merci Maxime. Bienvenue François. À la prochaine. Et c'est la musique que vous attendiez tous et toutes, la fameuse musique de ce concours. Que doit-on faire pour remporter les prix? Eh bien, tout d'abord, vous devez être membre de la station CKIA et également composer le 418-529-9026. 418-529-9026. Et qu'est-ce qu'on fait tirer, Vincent? Aujourd'hui, un magnifique T-shirt qui revient tout juste de Boston, Massachusetts. Grandeur large, pour bien spécifier. On en a des médiums aussi, gagnant. Je pense. Hein? Oui. Quelques médiums, mais on a surtout pris des larges pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Et c'est un magnifique T-shirt de Dragon Ness, ce dont on vient tout juste de parler avec Guillaume il y a quelques instants. Et également, en deuxième lieu, donc on a deux prix aujourd'hui. La deuxième appel se méritera ce qu'on appelle en français un magnifique keychain. Donc, pardon? Une dragonne, comme dirait notre ami Andrew, qui est toujours là pour nous reprendre avec les mots en français. Merci beaucoup, Andrew. Et donc, une dragonne, vous pourrez mettre n'importe quoi au bout, même une carte d'affaires, si vous voulez, le mettre à votre cou. Donc, ce sont les deux prix, 529-90-26, 529-90-26. Et peut-être juste ajouter qu'au courant des prochaines semaines, à travers les prix qu'on va faire tirer, il va y avoir un rouvre-bouteille Duke Nukem. Donc, un rouvre-bouteille avec le logo, on pourrait dire, nucléaire de Duke Nukem dessus. Donc, quelque si vous chose, voulez pouvoir le gagner, il faut être membre et il va falloir écouter Puissance Maximale pour pouvoir rappeler quand on va vous donner le signal au courant des prochaines semaines. Et ça fit le nucléaire avec le Japon en ce moment. Donc, en solidarité avec les Japonais en ce moment qui ont du gros trouble avec le nucléaire, on va vous donner des beaux porte-monnaie. Dans quelques semaines de nucléaire, ça. De Nuke Tunkem. Sinon, on s'en va en musique. 529-90-26, si vous voulez gagner les prix. 529-90-26. Sinon, on va écouter une pièce des Cowboys Fringants qui s'intitule « Chêne et roseau ». Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau. Et le chêne, droit debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups. Car c'est sa fatalité, toujours retomber, tomber, tomber pour se relever. Retomber, tomber pour se relever. Même si le chêne est géant, il fendra dans l'ouragan. Moi, roseau, par mauvais temps, je danse avec le vent. Sage qui ne craint pas les orages, il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent. Et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever. Toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est balotté par le vent. Moi chêne par mauvais temps, je n'expose qu'un flanc. Cette histoire banale que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un brin, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber, tomber et nous relever. Retomber, tomber et nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui paraissent nées de survie, conforte nos vies. Thank you. De retour sur les ondes de CKIA, et c'est maintenant le temps de parler avec Andrew Castegan qui va nous parler d'un jeu. Oui, en fait, ma petite découverte, en fait, le nouvel opium du jeu vidéo, le phénomène Minecraft, un jeu fait qui a été développé par un développeur suédois en temps libre en plus, qui est devenu un jeu très populaire sur Internet, qui est rendu à des millions et des millions d'adhérents qui ont payé pour pouvoir jouer à la bêta. Je suis maintenant un de ces moutons. Parce qu'il y a seulement la bêta de disponible, c'est ça? Uniquement la bêta, parce que chose à savoir sur Minecraft, c'est un jeu qui a été développé avec le langage de programmation Java. Donc, c'est un jeu si vous cherchez le jeu avec les graphiques réalistes et avec qu'on a l'impression de regarder un film, n'achetez pas ce jeu-là, parce que c'est vraiment des cubes et des cubes et des cubes avec des pixels et des pixels et des pixels. C'est vraiment... Les graphiques sont beaux d'un certain côté parce qu'elle a un cachet. Un cube, c'est toujours beau. Mais c'est très laid. Fait que dans le fond, c'est vraiment un jeu de base. En fait, le principe de Minecraft, c'est pas très compliqué. Il y en a pas. C'est uniquement de survivre. Parce que Minecraft, dans le fond, c'est quand on part le jeu, on joue un personnage qui apparaît sur une île entièrement inconnue. On n'a pas de carte, on n'a rien, on n'a aucune idée de où est-ce qu'on est. On est de jour, il fait soleil, on apparaît. Il y a la mer, généralement, ou des montagnes, des arbres, des cochons, des poulets. Tout semble paisible. Et si on part à l'aventure et on se dit « Ah, je vais aller voir qu'est-ce qui existe », et que la nuit tombe, on se rend compte qu'il existe des monstres la nuit qui sortent et qui n'ont qu'un objectif, nous tuer. Donc, c'est de survivre, le but du jeu, mais il n'y a pas réellement de fin, parce qu'on ne peut pas partir de cette île-là, qui, en passant, a une superficie... Ben, pas l'île, mais la carte du jeu a à peu près la superficie maximale de 8 fois la superficie de la Terre, si on compare proportionnellement à notre personnage. Donc, c'est quand même très long à explorer. Et, en fait, Minecraft, comme le jeu le dit, c'est mine, donc on mine, on crée des outils, on ramasse des cubes de ressources, on construit, on fait exactement qu'est-ce qu'on veut, à la condition qu'on survive à la nuit. Mais côté pour le jeu, là, c'est quoi la vision? C'est-tu genre, on voit par-dessus, c'est du 3D, du first person? C'est une première personne. Dans le fond, quand on commence, on ne voit que le point du personnage, et dans le fond, à la longue, en ramassant des ressources, on peut voir le cube de ressources qu'on a dans notre main, ou encore on construit des outils, parce d'où le parti craft, justement, c'est on crée. Avec les cubes de ressources, on peut faire des transformations. Comme exemple, avec la pierre, on peut se construire un four. Une fois que le four est construit, on peut aller dans les mines chercher du charbon, allumer le charbon dans le four, emmener du sable et faire des vitres. Comme ça, avoir des vitres dans la maison. Ou encore, prendre du bois et de la pierre et se faire une pioche de pierre, tout simplement. Donc, en fait, c'est un système qui est très intuitif au niveau du crafting, justement. C'est que quand on rouvre la portion de construction, c'est qu'on a une grille quadrillée. On prend les cubes de ressources, on les place d'une façon pour que ça forme l'objet qu'on veut construire. Comme exemple, la pelle, on met un bâton et deux bâtons, un par-dessus l'autre, avec une pierre au-dessus, et ça crée une pelle. Donc, tu sais, mettons qu'on veut faire une pioche, ben, on fait l'arc de la pioche et ça crée une pioche. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Tu parles d'intuitif comme ça, je veux dire, quand on n'a pas joué, mais on est intéressé à l'essayer, est-ce qu'il y a des objets qu'on pense pouvoir créer, mais sont impossibles à créer, par exemple? Ben, il y a certaines choses qu'on peut pas créer. C'est sûr que mettons qu'on veut se créer une télévision couleur, le jeu ne nous permet pas de nous créer ce genre d'objet-là. Certainement. Mais les choses rudimentaires, on peut quand même facilement les créer. Par contre, je vous dirais que ça va toujours mieux quand on va faire un petit tour sur Internet. La liste de tout ce qu'on peut faire avec les recettes est là. Il n'y a rien dans le jeu qui permet de donner l'idée que... Ouais, c'est ça. C'est de laisser erreur, et dans le fond, on finit par le trouver. Mais aussitôt qu'on trouve une combinaison d'objets, il nous dit « Ah, ça te permet d'avoir une pelle. » Donc, peut-être une bonne idée d'aller justement chercher la liste pour pas passer des heures et des heures pour trouver comment faire la pioche ou la pelle. Oui, mais directement sur le site officiel, quand on va dans la section liens, le concepteur du jeu se cache pas à dire « Aller sur tel site, toutes les ressources du jeu sont accessibles. » Ah, c'est avec bien. Puis, tu sais, on a accès en plus à se monter un serveur maison, parce que c'est un jeu qu'on peut jouer en solo ou encore sur Internet. Et quand on achète le jeu, on a accès à une console serveur qu'on peut installer autant sur Mac, Linux ou Windows. Et on peut se monter un petit serveur maison. On donne l'adresse IP de l'ordinateur à ses amis. Et dans le fond, le monde embarque sur le jeu et on peut jouer à plusieurs en même temps, construire des villes. Donc, on va jouer bientôt sur ton serveur, parce que tu vas en partir un. Ah, il est déjà parti, en fait. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut justement le réinitialiser comme on veut. On peut monter plusieurs villes sur un même serveur. Et comme moi, j'ai fait quelques tests pour des consoles, parce qu'on a accès vraiment à une console où on peut rentrer des commandes. C'est tout documenté. Et je mentirais pas que j'ai fait crasher quelquefois mon serveur en faisant des tests, là. Mais tu sais, ça cause, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours des limites. Parce que, en fait, quand on rouvre le serveur, c'est qu'il roule tout le temps en continu en générant des données. Parce que le jeu génère la carte au fur et à mesure qu'on explore. Mais mettons qu'on met un code dans la commande pour dire « Fais-moi apparaître quelque chose à 3450 km de mon spawn point » où le personnage apparaît la première fois. Faut qu'il génère la carte. Puis à la longue, mais t'sais, comme ils disent, c'est la superficie maximale que la carte a atteint. C'est 8 fois la surface de la Terre en proportion avec le personnage. C'est ça, c'est jusqu'à temps que le serveur brise. Plante dans le fond. Fait que c'est sûr, si on a une machine comme les gouvernements, les giga-ordinateurs, puis on fait juste rouler Minecraft dessus, je suis pas mal certain qu'on va pouvoir avoir des cartes plus grandes, là. Donc le jeu ne sera probablement pas jouable sur aucun serveur du gouvernement, parce qu'ils l'ont probablement tous déjà bloqué, vu que ça va prendre trop de ressources. Exactement. Andrew, pour revenir au jeu, tu disais que, bon, les monstres apparaissent au cours de la nuit, donc c'est le seul moment où on peut vraiment mourir. Exactement, ou encore quand on se promène justement dans le... la nuit, c'est une chose, mais justement les monstres apparaissent la nuit, à cause que les monstres n'apparaissent seulement que dans la noirceur. Donc, quand on creuse des mines, des fois, on peut tomber dans des donjons, ou encore, si on éclaire mal les mines, des monstres peuvent apparaître à l'intérieur. Le seul monstre qui se déplace autant de jour que de nuit, c'est un monstre qui s'appelle le Creeper, qui est un peu l'emblème de Minecraft, qui est une espèce de rectangle vert avec une face pas belle dessus. Et lui, peu importe que ce soit le jour ou la nuit, il se promène, et dès qu'il voit... Il nous voit, il nous court après, et c'est un kamikaze. Donc, lui, il explose. Et généralement, deux creepers, c'est assez pour achever un joueur sans protection, et ça fait des ravages. On fait comment pour se protéger? On peut-tu se faire des armes? On peut-tu juste se cacher? Justement, les outils, ça implique les armes. Il y a deux armes actuellement au niveau de Minecraft qui ont été programmées. Il en prévoit d'autres. Présentement, il y a l'épée et l'arc. Donc, c'est sûr et certain que si on se bat contre un creeper, c'est mieux avec un arc qu'une épée, parce que sinon, on va simplement le faire exploser, là. Ou encore, on peut utiliser un truc qui est de tout simplement creuser un trou. Parce que le creeper fait pas de différence, c'est un sol ou un trou. Fait que si on court, on creuse un trou, puis on se tasse, lui, il va tout simplement tomber dedans. Mais c'est un jeu... comme je fais une critique comme ça, puis je dirais que je pourrais parler de Minecraft pendant des heures, qu'est-ce que je ferais pas. Mais c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être découvert. Il y a une petite version alpha qu'on peut jouer gratuitement sur le site, qui est dans le fond un jeu, mais avec des ressources illimitées. Il n'y a pas de monstres, c'est vraiment juste pour construire des choses, pour voir le système de ressources et de blocs. Donc je dirais que si ça vous tente de voir un peu à quoi ça ressemble Minecraft, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Mais sinon, je vous dirais, le jeu coûte 20$ pour une version bêta, et quand vous l'achetez, c'est droit à vie. Donc le développeur, quand il va sortir la version finale ou quoi que ce soit, la version finale va coûter plus cher, mais vous n'aurez pas à repayer. Vous allez avoir le droit, dans le fond, là, d'avoir la version complète sans frais supplémentaires et à toutes les mises à jour, puisque vous avez aidé au développement là, de la bêta en achetant le jeu. Intéressant. Donc, c'est très intéressant. Je vous dirais que essayez la version alpha, regardez le wiki, recherchez tout simplement sur Wikipédia. Il y a un wiki dédié uniquement à Minecraft. Je vous dirais que ça vaut la peine vraiment de découvrir ce petit jeu-là en Java là, qui a été développé par une seule personne à ne pas oublier. Très puissant et si vous aimez les jeux dans le style sandbox, totalement libre, c'est un jeu parfait pour vous. Excellent. Merci beaucoup, Andrew Castegan, d'avoir parlé de Minecraft aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et François, on s'en va au téléphone dans quelques instants. OK, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et justement, on va rejoindre notre amie de Montréal, Chantal Capagna, alias Fräulein Evil. Bonjour Chantal. Salut François. Alors, tu viens de parler de plusieurs jeux de plateau qui ont attiré ton attention. On parle en premier lieu de Civilization. Oui, écoute, je sais qu'on en a déjà parlé de Civilization, mais il est tellement attendu, les gens posent tellement de questions. Et maintenant, on a le plaisir de pouvoir dire que oui, il va sortir cette année. Il va sortir au mois de mai ou juin sur les tablettes au Québec. Donc, Civilization de Sid Meier's, vous pouvez déjà commencer à y rêver. Vous pouvez commencer à vous énerver parce qu'il s'en vient bientôt. Et vous pouvez aussi commencer à mettre vos sous de côté parce qu'il va vraiment être dispendieux. On parle d'un travail de traduction absolument phénoménal. Mais je crois que ça va valoir la peine. Parce que ça va être la version française, on s'entend là. Oui, c'est une version française. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes. Même si la mécanique du jeu a été fluidisée, il y a quand même beaucoup de choses sur les cartes. On parle de technologie, etc., etc. Donc, c'est quand même une grosse job de traduction, mais le prix va être là aussi. Alors, Civilization, mai, juin, ça s'en vient. Sinon, Chantal, Naufragé du Titanic, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, le Naufragé du Titanic, c'est une version française d'un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années par Guerrilla Games qui s'appelait Lifeboat. Et la prémisse, c'est qu'on est des naufragés du Titanic. On se retrouve dans un canot de sauvetage avec l'amour de notre vie, avec notre pire ennemi, et avec d'autres personnages qui vont nous nuire ou non, tout dépendant. Donc, à notre tour, on va essayer d'aller chercher de la bouffe, donc acheter de la bouffe. On va essayer de faire des coups bas pour éliminer notre ennemi, car ça va nous donner des points bonus à la fin. On va essayer de sauver notre amour secret. Cette personne-là se fait attaquer par quelqu'un d'autre. On peut essayer d'aller voler des objets ou de changer de place dans le canot pour être capable de se rapprocher de la nourriture. Parce qu'évidemment, plus on est près de la nourriture et de l'eau, plus en forme on va être. Donc, c'est vraiment un jeu de backstabbing complètement débile. C'est fabuleux. Donc, Naufragé du Titanic, c'est certainement pas un jeu coopératif. C'est pas du tout un jeu coopératif. Et en plus, ils peuvent être épicés par l'extension cannibalisme. Donc, on se doute un peu ce que c'est. Il y a aussi l'expansion Courage au fond de la bouteille. Donc, c'est vraiment à surveiller. C'est de toute beauté. Un jeu pour les cannibales et les alcoolos en plus. Sinon, Gouverneur de l'Ouest. Ben, les Gouverneurs de l'Ouest, écoute, c'est une extension pour Battlelore, les batailles de Westeros. Alors, on sait que Westeros, c'est le monde de Game of Thrones, dans lequel évolue tout un paquet de familles, et que c'est très politisé, n'est-ce pas? Donc, dans la Gouverneur de l'Ouest, qu'on va réussir à aller chercher, c'est des renforts pour aider la maison Lannister dans son combat contre la maison Stark. Donc, on va pouvoir aller chercher des fermiers pour former une milice. On va aller chercher des piquiers. On va avoir des albans laitriers. Donc, tout un paquet de renforts pour nous aider dans notre lutte politique contre les autres. Parce que à Game of Thrones, ben tout le monde, en fait, ils sont un petit peu des politiciens qui essaie d'aller chercher le pouvoir et d'attirer la couverte. Donc, on rappelle qu'il y a une série HBO qui va être faite au mois d'avril. Ça a l'air écœurant. Donc, un jeu pour les amateurs de l'époque médiévale. Gouverneur de l'Ouest, bataille de Westeros pour Game of Thrones. Mm-hmm. Et sinon, Munchkin 2, ça doit être très attendu. Ben oui, Munchkin 2, en fait, tout le monde se demande, mon Dieu, Munchkin 2, ça n'est plus disponible. Eh bien, ça va l'être dans un mois. Bon, on ne tripe pas trop à jaser d'extension, mais quand même, les gens veulent savoir. Donc, on va retrouver les 112 cartes refaites, toutes en couleur. Donc, on va pouvoir recommencer à jouer avec la Super 4 braquette cloutée pour se protéger des attaques ou des potions gluantes. Donc, c'est Munchkin 2, écoute, pour aller avec la nouvelle édition révisée en couleur. Encore une fois, le grand classique là, de thématique médiévale. Et encore une fois, c'est pas un jeu coopératif, pas du tout, même si évidemment, on peut avoir de l'aide de ses camarades, mais c'est vraiment un jeu là pour obtenir la puissance maximale. Le but, c'est d'atteindre le niveau 10. Tout à fait. C'est potage sauvage, puissance maximale. Sinon, cité... Sinon, ben encore une fois, on a une extension qui s'appelle Rôdeur sur le seuil pour Aurore Arkham, donc encore une fois des cartes pour se rendre fou. Et puis le dernier, c'est un petit joyeux qui s'appelle Cité. C'est un jeu de gestion, construction. Donc, il est vraiment très, très, très, très, très prisé. Il est sorti en France, il est très, très apprécié sur Trick Track. Les gens, ça ne se peuvent plus. C'est un type agricola, Puerto Rico et tout ça. Donc, on va choisir un personnage. Ce personnage-là va nous permettre de gérer des ressources dans le jeu, mais de façon... on va avoir un monopole selon le personnage. Donc, les autres joueurs vont devoir négocier avec nous pour être capables de les avoir pour pouvoir construire leur bâtiment dans leur quartier. Donc, si on ne peut pas saboter le jeu du joueur en allant lancer des bombes dans leur quartier, on peut quand même leur mettre des bâtons dans les roues en faisant monter les enchères pour les ressources, sauf que, évidemment, les gens se vengeront. Donc, c'est vraiment superbe parce qu'il y a une belle interaction entre les joueurs, quelque chose qui manque souvent dans certains jeux de gestion. Donc, c'était un jeu de gestion à l'européenne, commerce, tout ça, vente et donc négociation entre les joueurs. Oui, c'est ça. Sinon, tu voulais nous parler, évidemment, il y a les jeux au bout qui s'en viennent, là, la fin de semaine du 1er avril. Bien, c'est certain qu'il faut souligner que ça va être la fermeture des inscriptions le 27 mars à minuit. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut s'inscrire. C'est une fin de semaine de 3 jours parce que le fun commence le vendredi après-midi. C'est des forfaits qui ne sont absolument pas dispendieux. La bouffe est comprise. Il y a des salles pour les jeux tranquilles, des salles pour les jeux énervés. Il y a beaucoup de monde qui vont là. On couche sur place, donc c'est vraiment superbe. Et pour se rendre, c'est super facile. Quand l'autoroute est finie, tu continues, puis à un moment donné, t'arrives. Vraiment, vraiment, vraiment à visiter si vous n'y êtes jamais allé. C'est une expérience de toute une vie. Donc, les Jeux au bout, la fin de semaine du 1er avril, une bonne sortie, là, et c'est pour toute la famille. Alors, je te remercie beaucoup, Chantal Campagnan, et sinon, on se dit dans un mois? Dans un mois. Chantal Campagnan de Distribution d'Aude, on te remercie. Ça me fait plaisir. Bye, là. Alors, bonjour tout le monde. Ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale. Installez-vous à vos Jeux et soyez comme moi. Et soyez comme moi. Et soyez comme moi. Le meilleur dans ce que vous faites. OK. Nous sommes comme lui. Il le répète. Super important. On salue le Bonhomme Carnaval qui est allé prendre des vacances, sûrement dans le sud. Le temps de se refaire une peau. Et, elle a bravé la file de 2 heures et demie, peut-être même. Et elle était assurée que la console allait fonctionner parce qu'il y avait des techniciens qui étaient là au cas où elle brûlerait. Eh bien, elle a joué Duke Nukem. Et c'est Anne, qui est notre collaboratrice, qui va nous en parler aujourd'hui. Alors, quelles sont tes impressions, Anne? C'est Duke Nukem. C'est, si vous avez déjà joué, on le connaît, grossier, ouais. Cru. Macho. Oh, macho, puis on tire sur tout. Tout au complet. Alors, les monstres sont les mêmes? Est-ce que les monstres, c'est toujours les extraterrestres, là? De ce que j'ai vu, oui. Le fameux Enforcer, c'est à peu près le seul que j'ai vu, malheureusement. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que tu en as joué pendant 20 minutes, c'est ça? Oui. Une vingtaine de minutes d'un jeu qui doit durer quand même quelques heures sans trop de problèmes. Et de ce que tu nous dis, en fin de compte, c'est qu'on retrouve le bon vieux Duke Nukem dans tout, bon oui, comme personnage, comme ambiance de jeu également. Oui, comme, tout à fait. Donc, on parle d'un shooter troisième personne, de première personne. Oui. Et vraiment une ambiance totalement délirante. Oui, j'avais vraiment aimé. C'est comme notre bon vieux Duke Nukem 3D, sauf que les graphiques sont meilleurs. C'est plus des petits carrés, des petits pixels un peu partout, là. C'était plus smooth. Moi, malheureusement, j'ai pas pu m'avancer beaucoup dans le jeu parce que on l'essayait avec la console, la Xbox 360, et je ne suis pas habituée à la manette. Ça. Moi, je suis plus souris-clavier. Par contre, justement, elle va sortir sur la 360, la PS3 et PC. Là, à quoi doit-on s'attendre là, quand on va avoir le jeu? On sait qu'on avance, tout le temps. Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de se cacher, de se pencher? Oui, toujours se cacher, le crouch, s'accroupier. On peut monter des échelles. À un moment donné, pendant que j'attendais dans la file, j'ai vu quelqu'un, il a pu embarquer dans un chariot, dans une mine. Il a tiré le... Le levier? Le levier. Et puis, il est parti dans... Part sur le chariot, on descend, puis après ça, on tire sur tout ce qu'on voit sur le chemin. Ou on rentre dedans carrément. t'as un enforcer dans le chemin. C'est quoi les armes? Il y avait le Shrink Ray. Donc, pistolet réducteur. Oui. Il y avait le Grenade Launcher, le C'était le RPG, RPG. Le lance-missile un peu, là. Oui, oui. Il doit avoir un shotgun, je sais pas. Oui, oui, oui, il y a le shotgun, t'as toujours ton handgun, le pistol. Je pense que tu fais donner des coups de pied à l'époque, ça se peut-tu? Oui. Est-ce que tu peux encore donner des coups de pied? Oui. Ouais. Oui, justement, dans le démo, tu sors de, on dirait, un game room. Puis, pour sortir, tu pèses sur ton X, puis défonce la porte. Là, c'est... tu peux défoncer les portes, cool. Ouais. Et aussi, je ne me trompe pas, pendant le jeu, on peut embarquer dans des véhicules et foncer dans des monstres, pogner des jumps. Oui, oui, justement, j'ai eu un petit peu de misère avec le jump. Tu avais ton turbo boost, puis... pas assez, je rentrais dans le mur. On recommence. Le turbo boost, comme dans K2000. Le turbo boost. Oui, j'imagine. Dis-moi, Anne, est-ce qu'il y a une histoire qui suit? Est-ce qu'il y a une cinématique? Est-ce que tu as eu la chance de voir ça? Non, malheureusement pas. C'était juste un démo. Tout ce que je sais... au début, le démo, ça commence... T'es dans un game room, comme s'il était un joueur de football. Il sort... t'as même un tableau. Tu pouvais... effacer ce qu'il y avait sur le tableau. Tu pouvais écrire avec un marqueur. Après ça, tu sors. Puis là, il y a un... c'était un monstre avec un œil, là. Il était big, là. Il était huge. À un moment donné, tu te bats contre. Puis là, tu l'affaiblis assez pour qu'il tombe à terre. Tu arraches la tête, puis il y a de quoi qu'il tombe. Tu peux faire le choix de faire un field goal avec. T'as un choix, quoi? Ben, tu sais que tout d'un coup, il y avait une petite boule qui a tombé. Puis là, tu pesais sur le X, puis okay. tu le bottais, puis tu faisais un field goal. OK. Puis évidemment, donc l'histoire commence comme ça, donc pas plus d'explications. Non, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, ça, on dirait que la caméra recule. Puis là, tu vois, il y a un écran, puis tu vois une manette. C'est Duke Nukem qui est en train de jouer à un jeu. Ah. Il joue à son propre jeu. Oui. Vraiment. Il joue à son propre jeu. OK. Puis là, après ça, on a recommencé. Tout d'un coup, on commence, on est dans le jeu. On rentre dans un véhicule, on écrase des enforcers, on tire des enforcers, mais comme j'ai dit, malheureusement, j'ai pas pu trop m'avancer, j'avais de la misère avec les contrôles. C'est peut-être un peu comme dans Monkey Island 2, si je ne m'abuse, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte à la fin du jeu que tout ça, c'était juste dans le fond, c'était pas un rêve, mais c'était Duke Nukem qui jouait lui-même à son jeu vidéo, peut-être que c'est ça le concept du jeu, je sais pas. On sait jamais. Ouais. C'était juste un démo, j'en sais pas plus. Aussi un petit fait cocasse, j'ai appris que il y a des gens que ça fait des années bien sûr qu'ils attendent pour Duke Nukem. Ben oui. Mais il y en a un qui a gardé son reçu de commande, de précommande de v'là 10 ans. Il a gardé ça. Oui, il y a encore son billet de précommande. De ce jeu-là, là, qui va sortir. Oui. Wow. Oui. Mais ça veut dire qu'avant, c'était une autre compagnie. Puis là, ça ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Il y a eu des petits problèmes. C'est ce qu'on appelait un vaporware, donc un jeu vaporeux. Ça, on peut décrire ça en français. Puis, donc, un jeu qui présumait que ça sortirait jamais tellement que c'était long. Puis bon, finalement, ça va sortir. Oui. Excellent. Et on a encore quelques minutes pour parler justement du PAX East. Dites-moi, Guillaume et Anne, on a parlé beaucoup de votre coup de cœur, surtout en termes de nouveautés, des choses que vous n'aviez pas encore vues. Pour ce qui est de ce que vous avez vu, de ce qui existe déjà, par exemple, des suites de séries de jeux, nouveautés peut-être avec ce qui est PS3, les consoles portables, est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré votre attention? Dans mon cas à moi, j'ai eu la chance d'essayer un jeu qui s'appelle Daggerfall, donc un jeu... basé dans l'univers de Donjons et Dragons. C'est le même principe un petit peu que Baldur's Gate Dark Alliance. Donc, c'est un jeu, on lance avec un bonhomme, on frappe sur des monstres, on frappe sur des barils, des potions, il y a de l'argent qui sort. On a des petites quêtes à faire. Quand même basé un peu sur la 4e édition de Donjons et Dragons. Donc, on monte de niveau, on peut augmenter nos attributs en montant de niveau, on augmente nos compétences, nos skills, on peut acheter à certains niveaux des feats qui donnent certains bonus supplémentaires. Donc, Ils ont rien réinventé quand même là-dessus. Quand même un jeu, par contre, que j'ai eu la chance de jouer peut-être une 10-15 minutes. Quand même intéressant. Donc, un petit jeu coopératif qu'on peut jouer à deux sur la même console facilement. Pas compliqué à faire. On avance, on frappe ses monstres. Donc, quand même un petit jeu de le fun. Pas très, très compliqué. Qui va quand même sortir sur Xbox Arcade, sur la PS3, qui va être sur PC aussi, qui va coûter environ une quinzaine de dollars. Donc, un jeu comme ça, une quarantaine, cinquantaine de dollars, j'aurais pas été sûr de vouloir l'acheter. Par contre, à 15 dollars, dès qu'il va sortir ce printemps, parce que oui, il sort ce printemps, et comme que une des personnes qui était là-bas, c'était une des personnes qui travaillait sur le jeu, il a dit, c'est le printemps selon mon horaire à moi et non printemps selon l'horaire des compagnies, donc pas rendu au mois de juillet. C'est vraiment ce printemps. Le jeu va sortir sur Xbox Arcade, PS3, sur PC aussi. Mm. Donc ça va être un petit jeu à aller essayer à ce moment-là. Donc le jeu Daggerfall, et là, justement, Michael me fait remarquer sur Facebook que c'est le même nom que le deuxième de la série Elder Scrolls, s'appelait Daggerfall. Effectivement, ils ont pris le titre là. Je sais pas, il y a une raison pourquoi. Bon, Daggerfall, c'est un petit peu générique. L'autre, c'était justement Elder Scrolls. Daggerfall, fait que eux autres ils ont pris juste Daggerfall. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un petit jeu à regarder quand même, aller voir à quoi ça ressemble sur internet, aller voir les vidéos s'il y en a, parce que j'ai pas eu la chance malheureusement d'aller voir tout ça en revenant de PAX, parce qu'on est arrivé chez nous à la maison à 2h et quelques du matin aujourd'hui finalement. Donc on s'est levé quand même plus tard et on a commencé à déballer le tout et pour venir ici. Mais un petit coup de cœur quand même éventuellement à regarder là-dessus. J'ai côté coup de cœur que moi, Pian, puis les autres amis qu'on était avec, qu'on a bien aimé, c'était, dans le fond, les concerts de musique de soir. Le vendredi soir, on n'a pas pu y aller parce que moi, Pian, on a réussi à rentrer dans un party privé de la compagnie Turbine, ceux-là qui font Donjons & Dragons en ligne, qui font Lord of the Rings Online, et Ashran's Call, qui est quand même un jeu plus vieux. Donc, on a réussi à avoir des invitations particulières et ils faisaient tirer des prix, justement, là, Lifetime Membership, donc quelque chose qui vaut 200$ de valeur à peu près, qui ressortent une fois de temps en temps, qui fait qu'on est abonné à vie au jeu. Donc, ils donnaient tout plein de prix là-dessus. Entre autres, Anne a eu la chance de faire des charades et elle a très bien interprété Gollum. Et grâce à ça, elle a gagné tout plein de points pour le jeu. Comme assez intéressant. Mais les concerts de musique, super le fun. Ça vaut la peine, même si on a juste 4 heures de sommeil par après. Allez-y, c'est génial, c'est super. Excellent, bien merci beaucoup à toute l'équipe de Puissance Maximale d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. On remercie nos invités par téléphone qui étaient Chantal Campagna et Martin... Maxime Gérard. Et également, bien, merci beaucoup Andrew Castegan d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Merci. Nous sommes corrompus à Minecraft, là. Oui, on va aller voir ça tout de suite en arrivant à la maison. Guillaume Forand et Anne Pelletier, merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. François Gécouillard, un très gros merci à toi également. Merci à toi, Vincent. Et je rappelle simplement aux gens que c'est qu'il y a, bon, on risque de fermer dans les prochaines semaines. Demain qu'on parle de. Il n'y aura pas de renouvellement de bail d'ici fin mai. Alors, vous pouvez quand même continuer à appuyer la station en devenant membre de trois façons différentes. C'est CKIAFM.org, en passant au 600 Côte d'Abraham ou en appelant au 599-9026 sur les heures de bureau. Alors, c'est la fin de Puissance Maximale pour cette semaine. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine de jeu. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D!